Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette seconde chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment développer notre courage. Fadjet, les ondes positives. Le courage, c'est la peur qui fait ses prières, murmure à notre oreille le romancier brésilien Paulo Coelho dans son roman La cinquième montagne. Ainsi, courage et peur formeraient les deux faces d'une même pièce. L'une ne pouvant exister sans l'autre, l'une ne pouvant se passer de l'autre. Sans peur, nous serait-il alors impossible de faire preuve de courage? Nous faut-il accepter d'être sans cesse confrontés à nos peurs pour parvenir à les dépasser? Et si l'une des formes du véritable courage était d'accepter nos peurs, ne serait-ce pas le serpent du vice qui se mordrait la queue? Pourtant, depuis l'Antiquité, c'est au sommet des plus hautes vertus que le courage est porté. Assis sur le podium, aux côtés de la prudence, de la tempérance et de la justice, le courage participerait, selon Platon, à instaurer l'harmonie entre notre cœur, notre tête et notre ventre. Le cœur, siège du courage, dont l'étymologie découle naturellement, la tête, où réside notre raison, le ventre, maître de nos désirs. Alors, pourquoi nous paraît-il parfois si difficile d'être courageux? Eh bien, peut-être parce que la peur joue un rôle indispensable pour l'être humain dans sa survie. La peur, c'est en effet un signal d'alerte qui nous informe d'un éventuel danger dans notre environnement. Pourtant, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'une jeune femme de 29 ans, endormie depuis aujourd'hui 78 ans. Cette voix appartient à Hetty Hillesum, jeune néerlandaise de confession juive, qui rédigera son unique roman, Une vie bouleversée, sous la forme d'un journal et de lettres depuis le camp de transit de Westerbork. Elle perdra la vie en 1943 en arrivant à Auschwitz. Les pires souffrances de l'homme sont celles qu'il redoute, car le grand obstacle, c'est toujours la représentation, et non la réalité. Cette peur de ne pas tout avoir dans la vie, c'est elle justement qui vous fait tout manquer. Elle vous empêche d'atteindre l'essentiel. Même si on ne nous laisse qu'une ruelle exiguë à arpenter, au-dessus d'elle, il y aura toujours le ciel tout entier. Les ondes positives sur Fadjet. Alors, comment aider notre cerveau à dépasser nos peurs? Interrogeons pour commencer nos amygdales, ces petites structures cérébrales en forme d'amande, comme leur étymologie l'indique, se situent devant les oreilles, juste devant l'hippocampe, qui joue également un rôle important dans tous les aspects émotionnels de la mémoire, dont la peur. Les amygdales, elles, sont considérées comme des centrales d'alerte, qui, averties par nos cinq sens d'un potentiel danger, activent nos réactions physiologiques. N'avez-vous jamais été pris d'une peur bleue? La fameuse expression tire ainsi son nom de l'insuffisance d'oxygène dans le sang déclenchée par nos amygdales, qui finit par nous donner un teint bleui. À ce moment, c'est notre cortex qui, après avoir analyse de la situation, prend une décision. C'est aussi lui qui va par exemple rendre nos mains moites, pour nous permettre de nous saisir plus facilement d'un bâton pour nous défendre. Un peu comme lorsqu'on se mouille les doigts pour tourner les pages d'un livre. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres avant nous se sont interrogés sur la meilleure manière de faire preuve de courage. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose, direction la Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. La figure du héros chez les Grecs est l'incarnation même du courage. Né sous une bonne étoile, fils d'un dieu et d'une mortelle ou de lignée royale, le héros a son destin tracé à l'encre des épreuves et des combats qui le porteront vers la renommée. S'éloignant ainsi de la terre du commun des mortels, le héros se hisse encore un peu plus près de l'Olympe, royaume des dieux. Défenseur de l'humanité, œuvrant pour sa protection, le héros se transforme en modèle à suivre, de près ou de loin. C'est notamment le cas d'Hercule ou Héraclès, dont le nom signifie littéralement « gloire à Héra », la déesse épouse de Zeus qui parsèmera son chemin d'embûches pour se venger de l'adultère de son époux. En effet, Hercule est fils du dieu des dieux et d'une mortelle. Et depuis sa naissance, il est en proie aux foudres de la déesse trahie. À tel point que, pris de folie, Hercule finira par assassiner sa femme et ses enfants. Pour se laver de son crime et purifier son âme, l'oracle de Delphes lui conseillera de se mettre au service de son cousin Eurysthée, roi de Mycène, qui lui confiera ses célèbres 12 travaux. Au terme de sa dernière épreuve, ramener des enfers le chien Cerbère qui en barre l'accès, Hercule est touché mortellement par un poison qui consume son corps. Il décide alors de se jeter dans le bûcher qu'il dresse avec l'aide de son ami Philoctète. Philoctète incarne quant à lui l'anti-héros, son nom signifiant « à qui on doit pardonner les gémissements » nous indique d'ailleurs toute la couardise du personnage. Libéré par le feu de ses fautes et de son crime, Hercule peut enfin atteindre l'apothéose et monter au ciel, siéger à l'Olympe, aux côtés des autres dieux dont il fait désormais partie. N'est-ce pas Voltaire qui disait « Le courage n'est pas une vertu, mais une qualité commune aux scélérats et aux grands hommes, car finalement, si notre héros possédait bien force et courage, il n'a pas toujours su l'utiliser, au service d'autrui ou d'une cause générale et généreuse. » C'est également la thèse que défend le philosophe André Comte Sponville, qui démontre que le courage peut servir tout autant le bien que le mal. Méchanceté courageuse, c'est méchanceté. Fanatisme courageux, c'est fanatisme. Ce courage-là, est-il encore une vertu ? Nous interroge-t-il. Laissons la conclusion à Alain, qui dira « Le principe du vrai courage, c'est le doute. L'idée de secouer une pensée à laquelle on se fiait est une idée brave. Tout inventeur a mis en doute ce dont personne ne doutait. C'était l'impiété essentielle. » Allez, petit exercice. Imaginons-nous dans une situation qui nécessiterait que nous fassions preuve d'un peu de courage. Par exemple, affronter une discussion qui pourrait s'avérer conflictuelle avec l'un de nos proches, de nos collègues ou notre patron. Visualisons la scène, c'est fait. Allez, maintenant, devenons les réalisateurs, les metteurs en scène, les cadreurs et les acteurs de ce moment de vie. Comme devant un film, mettons l'image sur pause avant qu'elle ne devienne stressante et angoissante pour nous. Ensuite, imaginons d'abord que la scène soit en noir et blanc et en version muette, et lançons le film. Revenons au début, rejouons la scène, cette fois-ci peut-être en donnant des voix de dessin animé aux participants. Changeons le décor. Et si, pourquoi pas, tous les acteurs portaient désormais des chapeaux mexicains et une paire de larges moustaches. Revenons au début, puis rejouons la scène avec le nombre de modifications nécessaires jusqu'à ce que nous puissions la voir entièrement sans qu'elle ne génère plus aucune angoisse en nous. Voilà. Maintenant que le courage est là, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il un peu de confiance en nous. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.